tu il ou elle, nous sommes des îles. Pour toi, lui ou elle, des terres d'asile. Nous sommes des îles, tranquilles, tranquilles, tranquilles, tranquilles. Nous avons des ailes pour vaincre l'ennui. Nous dansons la danse d'un nouveau jour, levant l'ancre à son tour. Frappe, frappe, frappe la terre du pied. Nul ne lui échappe, nous y sommes liés. Nos îles sont belles, si belles, si belles, si belles, si belles. Nous tissons nos rêves au cœur de la nuit. Nous jouons le jeu de vie et de mort, sans raison et sans tort. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Passe et repasse le vent sur les mers. Nos îles tenaces sont faites de chair. Nous sommes des îles fragiles, fragiles, fragiles, fragiles. Réponse à l'appel des îles englouties. Nous ancrons l'arche des îles naissant sur les sables du temps. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nos îles désertes, à mer larguée, à la découverte, suivront les marées. Nous sommes des îles mouvantes, mouvantes, mouvantes, mouvantes, cherchant l'archipel qui nous réunit. Nous voguons sur l'océan de nos peurs qui dépare notre cœur. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Passe les tempêtes, vogue la galère, poursuivons la quête de nouvelles terres. Nous sommes des îles patientes, patientes, patientes, patientes. La mer où nous semons nos îlots de vie, vague après vague, elle monte les conduits de jour comme de nuit. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Je suis ou elle, nous sommes des îles. Pour toi, lui ou elle, des terres d'asile. Je tue ou elle.